みなさんこんにちは。日本では、ナルトだけじゃなくて、みんなで、囲碁をしている、そしてな、ケベックにも、囲碁をしてください。今からプイサンスマキシマル来てください。 Alors bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre magazine d'intérêt ludique. Et oui, nous sommes encore cette année à Géanime 2013, pour l'édition 2013, et je suis en compagnie d'une des invitées de la convention, Madame Kathleen Boucher, alias Héroulane, chanteuse. Bonjour, comment ça va? Ça va! Là, on est chanteuse, mais tu ne chantes pas de n'importe quoi, tu chantes en japonais, tu chantes aussi des génériques, entre autres, des génériques de dessins animés japonais. Comment ça t'est venu tout ça? Parce qu'on s'entend qu'habituellement les gens qui veulent chanter vont aller avec avec des chansons francophones ou anglophones. Comment ça nous vient, cette envie-là de chanter en japonais? J'imagine qu'il y avait la passion de l'animé aussi, mais est-ce qu'il y avait un goût d'apprendre aussi, un goût linguistique par rapport à ça? Bien, comme tu dis, j'ai commencé à chanter en anglais et en français, là, un peu Lara Fabian, Céline Dion, un peu comme n'importe qui là, qui se met là-dedans. Mais c'est, quand j'ai commencé à suivre mes cours de chant, c'est à ce même moment-là, par exemple, que j'ai commencé à écouter Sailor Moon, puis que j'ai commencé à m'initier aux animes, puis par défaut aux génériques d'animes. Et puis c'était en même temps qu'on a commencé à avoir l'Internet à la maison, fait que j'ai pu acheter des CD ou télécharger des karaokés. Puis là, tranquillement, pas vite, je me suis mis à chanter les chansons en japonais. Puis là, ben, c'était un petit peu quelque chose, comme on dit, un novelty. Et puis j'ai comme développé ma niche là-dedans. Mais ça m'empêche pas de chanter en anglais puis en français, mais le japonais, c'est vraiment ce que je préfère. Puis je pense que c'est là-dedans que j'excelle le plus. Là, c'est pas une nouveauté, là. Ça fait pas un an que tu fais ça. Ça fait plusieurs années même que je me rappelle que dans les premières éditions d'Otakuta Montréal, tu avais été invité. Moi, j'ai même un CD à la maison de l'époque, que notre collaborateur Renaud Castegan m'avait ramené d'ailleurs de la convention. Ça fait quand même un petit bout. J'imagine qu'il y a eu des changements dans ta technique vocale, dans ta façon de chanter, aussi peut-être dans ce que tu chantes. Dans ton évolution, là, tu peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé depuis les dernières années? Oui, t'as raison. J'ai fait mon premier spectacle live en japonais en 2006 à Otakuton. Mais je chantais déjà depuis le début des années 2000, mais on faisait juste des enregistrements à la maison. Puis c'était pas vraiment compliqué. On essayait de faire de notre mieux, mais c'est vraiment quand j'ai commencé à chanter live que là, comme tu dis, il a fallu que ma technique vocale évolue, puis que je travaille à améliorer ma voix, ma technique, mon registre, ma prononciation aussi. Avant, on faisait pas attention, moi, j'étais plus ou moins consciente. Mais là, un coup que tu es sur le circuit des conventions, puis que les gens peuvent te regarder puis t'écouter, bien là, c'est là que c'est important de... comme on dit, d'élever la barre puis d'essayer de l'atteindre, tu sais. Oui, parce que je sais qu'à l'époque, tu chantais avec des amis aussi. Le CD que j'ai à la maison, c'est Héroulane and Friends. Il y avait beaucoup d'amis, mais là, est-ce que tu es rendu plus solo? Tu as quand même des fois des compagnons, des collègues qui vont venir t'aider sur scène? Je suis solo parce que je me suis exilée du Québec il y a 5 ans. Je suis allée habiter à Calgary, puis j'ai tenté de me trouver d'autres chanteurs là-bas, mais ça a plus ou moins marché. Donc, je suis présentement un acte solo, comme on dit. Mais demain, pendant mon spectacle, je vais avoir Clara et Toby qui vont venir chanter quelques chansons avec moi qui sont des anciens Friends du temps de Héroulane and Friends. Fait qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de revenir au Québec, j'essaie d'impliquer mes amis, là, parce que je sais qu'ils ont beaucoup de talent, eux autres aussi, là, puis ils font leur petit chemin, eux autres aussi, depuis qu'on s'est séparés, mais personnellement, je préfère chanter en groupe, mais comme là, j'ai pas le choix. Si je veux continuer, j'ai pas le choix de faire des spectacles solo. C'est sûr qu'en groupe, plus difficile à organiser, mais c'est une toute autre dynamique sur scène. Oui. Dans les chansons que tu vas interpréter dans le spectacle qu'il va y avoir à Géané, mais je pense qu'il y en a deux, ça se peut-tu? Il y en a deux spectacles que tu vas donner cette année? Demain, je fais mon spectacle Animusica 2.0, qui est comme une version évoluée du spectacle que j'ai donné à Vancouver en août. Et puis, je vais juste faire une petite participation avant G-Idol demain. C'est principalement. Ah, puis là, je suis supposée chanter le générique d'ouverture des Cités d'or demain matin à l'atelier de Jackie Berger. Ça, elle me l'a demandé tantôt. Ben oui, Jackie Berger, qu'on va avoir en entrevue et avec qui je vais avoir la chance d'animer finalement ces ateliers qui vont avoir lieu en grande salle. Très content. Puis en plus, on va se revoir là-bas. C'est excellent. Dans les chansons que tu vas chanter, dans les spectacles, justement, peux-tu nous donner un aperçu de ce que tu vas chanter? Oui, la première moitié, c'est des chansons d'anime. Puis je vais faire un medley de Sailor Moon de 14 minutes. Parce que Sailor Moon, vraiment, c'est important pour moi. C'est avec ça que vraiment tout a commencé. Et puis, vu que c'est le 20e anniversaire de la franchise aussi, puis je voulais souligner la prochaine série qui s'en vient au printemps. Puis en plus, on a Terry Hawks qui va être présente, la doubleuse. En plus, oui, qui était aussi à Vancouver pendant que j'ai donné mon spectacle, puis que j'ai participé au panel du 20e anniversaire de Sailor Moon. J'ai chanté, j'ai ouvert son panel, fait qu'elle m'a vu chanter tout le kit. J'ai hâte de la rencontrer ce soir-là. Je fais à peu près 30 minutes de chansons d'anime, puis après ça, je vais faire une chanson de My Little Pony. Je vais faire la chanson thème d'un jeu vidéo que j'ai fait, la chanson thème qui s'appelle New Horizon. Le jeu, c'est Eileen 3. Je vais chanter une chanson originale aussi. OK, parce que tu ne fais pas juste des covers de chansons d'anime, tu composes également. La composition, c'est quelque chose qui est nouveau de l'année passée. J'ai un ancien ami qui m'a retrouvé sur YouTube, puis on a commencé à écrire des chansons ensemble. C'est sûr que c'est un processus qui est un peu plus difficile que je pensais au début. Puis on travaille à distance l'un de l'autre aussi. Moi, je suis à Calgary, lui est ici dans les Laurentides. Ça a porté fruit. Fait que je vais pouvoir présenter une chanson demain qu'on écrit ensemble. Est-ce que tu penses que ça va devenir une orientation plus, disons, majoritaire dans ta création qu'être que jouer tes pièces originales ou tu vas quand même garder une partie pour, disons, le cover de musique de série animée? Je vais probablement pas mal rester dans l'anime. C'est difficile de composer des chansons, puis faut que le talent soit... Le talent puis le temps est là. T'sais, moi, j'ai une petite fille, puis la personne avec qui je fais des collaborations, elle en a trois enfants. Fait que c'est des choses de longue haleine, t'sais, mais tant qu'il y a un produit à la fin, ça peut... C'est le fun. C'est le fun d'ajouter ça au cover, mais principalement, moi, je suis à l'aise avec les covers. Excellent. Mais on remercie beaucoup Kathleen Boucher d'avoir été avec nous, alias Irulan, qui va être présente pendant tout le Festival G-Anime 2013. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Oui, puis pour ceux qui veulent en entendre un peu plus, là, vous pouvez toujours venir sur irulan.com. Puis à partir de là, il y a des liens pour mon YouTube ou mon Twitter. Puis écoute, j'ai quelque chose comme 140 vidéos sur mon YouTube. Fait qu'il y a vraiment, là, il y a vraiment de tout là-dessus, toutes sortes de chansons, des covers qui datent des années 2000, comme des affaires qui sont plus récentes. Puis je couvre vraiment toutes sortes de styles aussi, là, pas juste des petites balades ou du néon, du Sailor Moon. Là, il y en a pour tous les goûts là-dedans. Excellent. Ben, on va mettre les liens sur le site Internet de l'émission. Merci beaucoup, Kathleen, d'avoir été avec nous. Merci, Mike. Merci, Andrew. Et on continue à G-Anime 2013.